Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bonjour les jeunes, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 88. J'espère que vous allez bien en ce matin du mercredi 1er décembre. C'est l'heure de payer le loyer, les amis. Payez vos loyers, payez vos hypothèques. Nous autres, les pauvres propriétaires, man. On a besoin de ça, nous autres, les pauvres propriétaires. Ouais. Mais je suis locataire aussi. Faut que je paye ça. Faut que je paye mes gros loyers, mes deux loyers de commerce tout à l'heure par virement. C'est-tu pas merveilleux, les virements? Hein? J'encaisse les chèques de mes locataires avec mon téléphone. Je fais des virements avec mon téléphone. C'est beau, ça. Plus jamais je vais à caisse pop, à part pour retirer de l'argent liquide, puis là j'en ai, puis je sais même pas quoi faire avec, je paye tout le temps avec mon téléphone, les cartes dans mon téléphone, ding ding ding, c'est merveilleux. Moi man, j'ai pas peur de ça, ces affaires-là, l'empreinte digitale de mon téléphone, c'est parfait, j'ai oublié les passwords, c'est good, j'ai pas besoin de penser à ça. Je le dis souvent, si on peut me rentrer la chip dans le corps quelque part qui fait que je suis une entité, et puis je peux passer, ça serait très bien. Et voilà. C'est une drôle d'entrée en matière, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui sera un fameux épisode décousu dans lequel je vais dire n'importe quoi, et puis ça va être ça. J'ai zéro plan. Moi, je me suis mis des petites notes, mais j'ai zéro plan là, de ce que je vais parler aujourd'hui. Mais j'avais du temps ce matin. On a une entrevue pour Retro MTL tantôt à 11h. Là, il est 8h50, alors j'ai du temps pour faire un podcast aujourd'hui. Demain matin, je n'aurai pas le temps et vendredi non plus. Demain matin, je vais chez le podiatre, mesdames et messieurs. Première visite chez un docteur du pied. Clinique privée, parce que Chris, j'ai pas 6 mois à attendre, j'ai mal. Je sais pas qu'est-ce que j'ai en dessous d'un pied, j'ai comme un... C'est comme si je pilais tout le temps sur une roche. Mais, tu sais, une roche arrondie, là, pas une pointe, là, ça me transperce pas le pied, mais ça me pèse tout le temps à la même place, tu sais, c'est sur le devant du pied, entre, tu sais, il y a comme des coussinets, là, tu sais, mais au centre, là, juste en dessous de l'orteil. En tout cas, c'est dur à décrire, puis j'ai aucune idée de ce que c'est que cette affaire-là. Puis c'est comme, ça s'est manifesté un moment donné, tranquillement, et puis là, c'est là, tous les jours. Mais c'est pas comme une douleur soutenue, tu sais, c'est le matin. Quand je pèse nu-pied sur le plancher, je le sens. C'est pas atroce, tu sais, mais bon, j'ai tendance à arquer mon pied pour pas mettre de pression là-dessus, tu sais, puis mauvaise habitude, puis ben c'est ça. Donc j'ai vraiment mal là, puis je sais pas ce que c'est. Fait que on va aller voir ça. Là, ça va sûrement me coûter des petites radiographies, ça là. Et là. Le docteur du pied. Au moins, c'est pas loin d'ici, sur P9. Ceux qui connaissent Montréal un peu, il y a vraiment des belles maisons autour du jardin botanique et puis Pineuf, tu sais, puis tout ça. Puis c'est dans une genre de ces grosses maisons-là transformées en clinique privée, je sais pas quoi, là. J'ai hâte de voir ça. Mais il y a vraiment des belles maisons, là, dans ce quartier-là, tu sais. Rosemont, pas Vio, là, mais voyons... À côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, le quartier de maison qu'il y a là-dedans, là, tu sais, comme ça, c'est tellement des belles maisons, c'est tranquille, tu sais, c'est un petit coin. C'est très, très hot. Alors, voilà. Donc, demain, j'ai ça à faire. On va faire ça. Puis, il me semble que j'ai d'autres choses aussi. Je me rappelle plus. Fait que, ouais, très belle promotion du Black Friday chez Retro MTN. Merci à tout le monde qui ont participé à ça. Pas juste vendredi, samedi, dimanche du Black Friday, mais aussi nos promotions en route vers Black Friday. Donc, lundi, on faisait 30% de rabais sur tout le papier, livret, guide, magazine, accessoires, donc les manettes, les Tout ce qui est un accessoire, là, qui n'est pas un jeu, bien qu'il n'y ait pas une console non plus. Donc, ça a bien marché. Mardi, on faisait un 40% de rabais sur tous les jeux qui sont un petit peu plus nichés ou champ gauche. Tout ce qui est Atari, Famicom, CDI, Neo Geo, PC Engine, TurboGrafx-16, là, tu sais... ces affaires-là, là, 3DO. Et on a vendu, on a envoyé une très belle commande de 3DO en Colombie-Britannique, donc ça c'est nice. Donc, ça a été, ça a très bien été, ça, cette promotion-là. Je suis bien content. On avait mis les imports aussi là-dedans. Faut pas oublier, on a des beaux imports. Puis il y a des jeux. Mettons, présentement, on a Castlevania Portrait of Ruin, qui est au DS, qui est un excellent jeu, bien sûr. Et puis, mais il est pâle, tu sais, mais il va fonctionner dans ta machine, tu sais. Laisse-moi vérifier. Voyons. Is PAL DS. Can a US DS play a PAL games? Do Japanese 3DS games? Do one on US system? Yes, donc voilà. Donc allez acheter ça là, les amis. Et puis, ouais, mercredi, BOGO, buy one, get one. Le premier, t'achètes un jeu de Xbox. Peu importe la génération, le deuxième t'as 50%. C'est magnifique. Ça a moins élevé que PlayStation le lendemain. Il y a vraiment. C'était la même promo, mais pour PlayStation. Là, les gens en ont profité. Là. On a vendu deux Rule of Rose, un Blood Will Tell, puis une couple d'autres gros jeux là, à 300-400$. Fait que ça, c'est parfait. Faut que ça parte. Ça roule. C'est bien bon. C'est au final, tu sais, avec une promotion là-dessus, puis le prix qu'on les achète, parce que c'est pas des jeux qu'on achète à 20%, là, tu sais. C'est des jeux qu'on achète très élevé, disons. Fait qu'il reste très peu de marge, mais tu sais, c'est correct, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient sur les tablettes, donc on les vend, on récupère le capital, on fait un petit profit et on passe à autre chose, on achète d'autres affaires, dont je vais parler dans quelques instants d'ailleurs. Puis ensuite, ben Black Friday, vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, je crois, il faudrait vérifier, là, mais d'expérience, à regarder les chiffres à tous les jours, je crois que c'est notre journée record de vente. Total pour une journée. C'était vraiment spectaculaire. Ça roulait. On a passé du stock. Les racks sont vides. De NES, Super NES, Genesis, tout ça, puis comme plein d'autres affaires. Donc vraiment, ça a été très, très, très belle journée. Non-stop, bien occupé. Puis le week-end aussi. Le samedi, dimanche, ça a été des journées qui sont facilement le double du temps normal. Des fois, le triple. Donc, vraiment, là, c'est parfait. On avait travaillé ça pendant un bon bout de temps. On voulait faire des promos un peu spéciales. BOGO, on ne l'avait jamais fait. Donc, ça sera à répéter. T'sais, on fait des tests, on essaie des choses et puis on regarde ce qui colle. Comme le Cyber Monday, shipping gratuit toute la journée pour n'importe quel... que tu achètes une affaire à 5$, 10$, 200$. Le shipping était déjà gratuit anyway. Fait que ça a marché un peu moins. On a eu un lundi... normal, comme d'habitude. Donc là, on se questionne. Est-ce qu'on laisse tomber Cyber Monday? T'sais? De toute façon, on est déjà cyber à l'année. T'sais? À la base, le Cyber Monday, c'était pour acheter en ligne. T'sais? Fait que peut-être que le monde, ils ont le portefeuille fatigué, là, rendu le lundi après toutes ces promotions-là. Fait que on verra. Mais c'est pas un échec, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc, merci à tout le monde qui ont acheté un petit quelque chose. C'est le temps des fêtes, hein? Alors voilà. Puis garnissez vos collections. C'est merveilleux, les collections. Parlant de collections, on a acheté deux très belles collections chez RetroMTL pour ici. Là, on a quasiment 300 jeux de Switch. Donc, ben des Limited Run là-dedans, un peu de tout. Vraiment, ben, si vous avez suivi notre. Si vous nous suivez, vous avez vu que depuis une couple de jours, on rentre beaucoup de jeux Switch. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va finir de rentrer tout ça. Donc, très gros approvisionnement. Fantastique. Et puis, lundi cette semaine, on a acheté une grosse collection de Game Boy. Game Boy original, avec du Game Boy Color un peu, puis du Game Boy Advance aussi. Donc, c'est beaucoup de stock, là, pour un value d'un 5 chiffres. 1, 2, 3. Dans un value des 5 chiffres d'un jeu de Game Boy, là, tu sais, fait que ça en fait vraiment beaucoup. Puis on va commencer à comme tester, nettoyer ça ce matin, mais tout est déjà très propre, donc on va juste le tester très rapidement. Puis les gars vont pouvoir commencer à mettre ça en ligne. Très excitant, plein de belles choses là-dedans, bien sûr. Puis plein de très cool petits jeux. Tu sais, au Game Boy, il y a plein de bons petits jeux à 20, 30. Tu sais, ça, c'est vraiment nice. Plein de bons jeux à 10 aussi. Donc, c'est hot. Vous avez vu d'ailleurs sur ma page Facebook, j'ai mis une photo de jeux Game Boy Color. D'ailleurs, je vais la ressortir, juste pour pas que j'oublie des jeux que j'ai mis dedans. C'est ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup présentement, ramasser les Game Boy Color. Les petits jeux là qui sont bons, ou les gros jeux qui sont très bons. Et puis, il y en avait dans cette collection-là. Donc, sur la photo que j'ai mise sur ma page Facebook et Instagram, vous avez vu Metal Gear Solid, qui est un, paraît-il, vraiment bon. C'est comme une version, une petite version Game Boy là, de Metal Gear Solid. Donc, il y a que des bons commentaires sur ce jeu-là. C'est un jeu qui vaut une centaine de dollars, me semble. Je vais sortir un petit price charting sur le site. Tiens, je vais même mettre... on va enlever ça. Game Boy Color. Donc, en loose. Metal Gear. 112$ sur Price Charting pour Metal Gear présentement. Le gros jeu qu'il y avait là-dedans, que j'étais comme mind blown qui aille ça, mais malheureusement le label il est en mauvais état. C'est Return of the Ninja. Et puis 160 dans Price Charting. Et puis c'est un jeu pas commun de Natsume, un jeu de ninja à la Shadow of the Ninja. Très très cool stuff. J'avais bien hâte d'essayer ça pour vrai. Là. Et puis Limited Run ont refait un reprint de ça. C'est bizarre ça. C'est le genre de print là. Tu sais, Limited Run ils ont pas fait aussi Tailgater. C'est un bien bon petit jeu de Game Boy là, qui vaut, j'ai plus de moins 80. Attends, on va vérifier. Tailgater, on l'a dans le lot d'ailleurs. Tailgater, très bon jeu ça. Ça vaut 90$. Et puis, ils ont refait ça eux autres de même là, tu sais, comme ils repopent des jeux de Game Boy, ils font sans Limited Run. Ok. Donc, moi, je trouve pas ça très intéressant. Je veux vraiment l'original. Là, t'sais, je suis pas vraiment attiré vers ces affaires de Limited Run, là, ces reprints. T'sais, même le Shantae, qui ont fait un card de Game Boy Color, t'sais, comme, c'est nice, puis j'aime beaucoup Shantae et tout ça, mais j'aime vraiment mieux avoir l'affaire originale, même si, bien sûr, c'est extrêmement cher. Je l'aurai un jour. Ben, j'ai le card de Shantae, mais j'ai pas complet en boîte. Mais un jour, je vais l'avoir complet en boîte, je te le dis. C'est quelque chose que je vise. Donc, c'est ça. Prochain jeu qu'il y avait là-dedans, Mr. Driller, classique d'arcade, qui a sur bien des plateformes, dont Dreamcast, que j'avais dans le temps. J'aime beaucoup ça. On n'a jamais assez de Mr. Driller. Mega Man Extreme et Mega Man Extreme 2, que je n'ai jamais essayé. C'est comme un léger Mega Man X, apparemment. Donc, ça, c'est nice. Je vais me lancer là-dedans éventuellement. C'est Joe là, qui m'a dit « Tu devrais prendre ça. » Puis, il parle toujours de même. C'est une blague. Donc, j'ajoute ça. 1942, j'ai hâte d'essayer ça. Il y avait sorti dans le temps un cool jeu au PlayStation 3 de 1942, man. Attends, PS3, 1942, game. C'était 1942 Joint Strike. Et il y avait ça sur le Xbox 360. C'était un shmup vertical où est-ce que tu pouvais jouer en co-op. C'était 1942. Vous savez, 1942, là, le jeu de le shmup vertical d'avion. Là. Il y a eu 1943, 1945, Strikers, que j'aime beaucoup. Mais c'est ça, il avait fait ça 1942, Joint Strike, puis c'était très bon. Là. J'ai joué à ça quand même pas mal sur ma PS3. Hey, j'aimerais ça que Limited Run fasse des jeux de même. Moi, man, au PlayStation 3, il y a des jeux que j'ai aimé ça jouer en digital. 1942, Joint Strike, Renegade Ops, le genre de jeu de petit Jeep, là. Un genre de Jackal moderne. Là. Chris, que c'était bon ça. Puis Double Dragon Neon. Puis malheureusement, là, il y a juste Limited Run ont fait Double Dragon Neon. J'aimerais vraiment ça qu'ils fassent les autres. Ils ont fait Scott Pilgrim, tu sais. Fait que tranquillement, ils diguent dans ces genres de jeux-là. Et puis, ça serait vraiment nice, 1942 Joint Strike. Donc, quand je regarde le logo de 1942 Joint Strike et que je regarde le logo de 1942 sur la cartouche, The Game Boy Color. Voyons, excusez. Rendez-vous, docteur. Oui, je vais y aller. Me fait notifier. Je vois que c'est le même logo, alors il y a peut-être de quoi là. Hey, excusez, il faut que je réponde au docteur. Monsieur Bourret, vous avez un rendez-vous avec Dr. Chamberlain le jeudi. Oui, pour confirmer le rendez-vous, répondre 1. Pour annuler le rendez-vous, fait que 1. J'y serai, Monsieur Chamberlain. Voilà. Ouais, donc, j'arrête pas de dire donc est-ce que je m'aille. Ça m'énerve. Excusez, ça va être ça. Oui, excusez. Je m'en ressortir ma photo. J'ai bien hâte d'essayer 1942. Et dernier jeu dans là-dedans, Ghosts and Goblins. Je l'ai essayé vite. Rien que pour voir, parce que c'est qu'il y avait une voilée du Chaka Cassette, qui m'a, Mega Exhort, qui a dit que c'était bon, que tu devais... Moi j'écoute. J'écoute mes amis. Et puis, je l'ai essayé un peu. Je me suis rendu comme à la moitié du premier niveau, puis après ça, je me suis jeté dans le trou. Là. Mais rien que pour filer le jeu. Et puis, c'est très... c'est comme pareil comme l'arcade ou au NES. Vous savez, la version NES de Ghosts and Goblins est vraiment... Je me suis rendu compte de ça en essayant l'original Ghosts and Goblins au McFly à Québec. Puis, ça faisait pas longtemps que j'avais fini Ghosts and Goblins au NES. Je me rends compte que la version NES est très proche de la version arcade de Ghosts and Goblins. Donc, quand même nice. C'est juste que le gameplay est broken. Là. Mais la version Game Boy Color semble parfaite. Mais ils ont gardé le style de map qu'on voit à chaque fois que tu meurs. Ça c'était dans un souhait que j'avais. Là, je me suis tué. Tu sais, s'il vous plaît, je veux pas voir la map. Je veux pas voir la map là. Ta-da-da! Non! Je vais entendre ça toute ma vie, ces sons-là. J'haïs ça. Pourquoi? Les versions maison de Ghosts and Goblins, c'est pas des versions arcade. Tu recommences souvent. T'as pas besoin de voir la map à l'arcade. T'as 25 scènes, 3 vies. Tu meurs, tu vas jouer à autre chose. T'sais, c'est pas trop grave, mais Chris, man, enlever ça. Si on était capable, si Ghosts and Goblins se respawnait aussi rapidement que, je sais-tu moi, Super Meat Boy, puis que c'était un jeu qui avait toujours des vies, comme Super Meat Boy, tu sais, comme t'avances, tu crèves, tu recommences là. T'avances, tu crèves, tu recommences là. Donc, s'il n'y avait pas des continues, puis que le genre de vie limitée que tu faisais juste comme essayer de finir le jeu, tu sais, le monde, il capoterait de jouer à Ghosts and Goblins. Je te le dis, ça serait malade. Donc, voilà, c'est des jeux de Game Boy Color. Bien content d'avoir ça. J'ai parlé aussi de Hunt Down sur plusieurs de mes groupes. Hunt Down, genre de run and gun, cyberpunk. Un peu plus méthodique quand même que rentrer dans le tas. Man, j'ai capoté ce jeu là. Sérieux, là, hostie que j'ai aimé ça. C'est magnifique, la vibe des années 80, là, tu sais. T'as le choix entre trois personnages, une fille très badass, un genre de grand gros cyborg avec une genre de menton mâchoire là, en métal, et puis un full robot cyborg avec un trench coat que je trouvais nettement supérieur aux deux autres parce que chacun a une arme de base. La fille, elle a un genre de machine gun, tu sais, qui spray des balles. Ça fait comme drrr, drrr, drrr. C'est beaucoup de balles, mais par séquence. Le gros dude, lui, c'est une balle plus forte que les deux autres, mais il peut pas poivrer trop rapidement. Puis l'autre, ben, c'est des balles de force normales, mais il tire autant que tu pitonnes. Fait que ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, j'aime ça, c'est comme une mitraillette à pouce, tu sais, fait que ça allait bien. Chacun des personnages a une arme secondaire. La fille a une espèce de hache, là, qui se garoche, je sais pas, elle suit, on dirait que c'est homing, mais pas tout à fait. Puis ça tue un ennemi à la fois. C'est crissement de la merde. Le cyborg, il y a un genre de boomerang laid qui va puis qui revient. Fait que là, ça peut toucher plusieurs ennemis. T'sais. Peut-être que je l'ai mal utilisé ou pas assez. Je trouvais ça moyen. Mais le cyborg, man, il lance trois genres de couteaux. Des genres de couteaux à lancer de ninja, là, tu sais. Puis ça passe au travers des ennemis, tu sais. Du moins, il en lance trois de la shot. Fait que tu peux avoir trois ennemis devant toi. Le premier touche le premier ennemi. Les deux autres couteaux passent. Puis tac, tac, tac. Fait que tu peux toucher trois ennemis. Puis ça fait super mal. Donc, puis ça recharge automatique, ces affaires-là. Il y a un petit temps de chargement après l'avoir lancé une fois. Mais sérieux, son gun mitrailleur plus ça, nettement le personnage le plus fort. Et puis, tu peux te cacher, comme il y a des zones où est-ce que tu peux comme te cacher dans l'ombre pour laisser passer les balles devant toi, ou tu peux te placer en cover derrière des barils ou des chars, ou des obstacles comme ça. Et puis, tu peux glisser, tu sais, comme quand tu te penches, ton bonhomme, il glisse, puis tac, il va s'accoter sur un baril, puis là, tu te lèves, tu tires. Donc, c'est quand même crissement bien fait. Il n'y a pas de double jump, tu peux pas grimper ses murs ni rien. Puis il y a des gens qui avaient un petit peu peur parce que tu peux pas tirer dans tous les sens comme un contrat, tu peux tirer que devant toi. Et puis ça, c'est pas un game breaker du tout. Au contraire, le jeu il est bâti de cette façon-là. Comme Mercenary Kings, The Tribute, tu sais, c'est le jeu il est fait de même, puis c'est comme ça qu'il joue. Anyway, t'as pas des ennemis. T'as jamais. Ben non, il y a des ennemis aériens, là, mais t'as jamais des hosties de plein d'affaires aériennes, là, tu sais, comme les seules affaires aériennes que t'as là-dedans. Ça fait un genre de U comme ça, puis ces ennemis-là, ils descendent à ta hauteur, puis il n'y en a pas tant que ça non plus, donc c'est super bien fait, là. T'as jamais de la marde qui te tombe sur la tête, puis là, ah, je vais tirer en haut, puis je suis pas capable. C'est pas du tout ça. Et puis la map est découpée en gangs de rue comme The Warriors, tu sais. Puis là, ils ont tous leurs thèmes, tu sais. Là, les premiers, c'est bien sûr classique, les punks, là. Deuxième, c'est tous les hockey. Ils sont tout habillés en hockey. Ils ont des bâtons de hockey, tu sais, c'est nice. Après ça, c'est ceux-là de l'autoroute. Ils ont des motos, puis c'est tout du gaz, tu sais, puis des affaires comme ça. Les autres, c'est plus... les derniers, c'est japonais, samouraï. Ils ont des katanas, tu sais, puis voilà. Donc ça, c'est nice. Puis chaque monde, chaque gang a plusieurs boss. Fait que quand tu rentres dans le monde des joueurs de hockey, chacun de ces mondes-là a 4 boss, y compris un boss final. Fait que ça fait quand même pas mal de monde. Les niveaux sont quand même assez courts. Et puis dans chaque niveau, faut que tu ramasses du stock. Tu peux ramasser 3 stashes, des valises de cash que tu peux ramasser. Chaque niveau, t'as 3 affaires à réussir. C'est comme des side quests que tu peux faire, mais t'es pas obligé. Faut que tu ramasses 3 stashes, faut que tu tues tout le monde, donc ils te mettent un compteur d'ennemis tués. Donc, puis, faut aussi que tu passes le niveau sans mourir. Donc, c'est 3 badges que tu peux avoir par niveau. Là, au début, je le faisais, tu sais, je commence à jouer mes badges. Là, à la fin, c'est comme, pas mourir, ça commence à être difficile, là, tu sais. Puis tu peux débloquer mode hardcore. Il y a un mode. Moi j'ai joué à normal. Il y a easy, normal, hard, puis hardcore. Ça a peut-être un autre nom là. Puis hardcore c'est comme une balle. Excusez, une balle t'es mort. T'sais. That's it. Mais ça c'est très difficile. Mais sinon on a de la life. Puis c'est un jeu qui joue en co-op. Et moi j'ai pas joué en co-op parce que j'ai pas. Ça a donné que j'avais pas d'amis pour jouer. Puis j'ai lu en ligne dans les commentaires que vous avez écrit qu'en coop, tu peux faire des affaires. Genre, il y en a un qui lance une grenade, puis l'autre, s'il tient un bat de baseball, il peut kicker, il peut frapper la grenade avec son bat de baseball, tu sais. Fait que tu peux faire des interventions à deux comme ça. Quand on était au WEC, j'ai vu Bruno jouer avec un autre copain à ça pendant un bout. Puis en coop, je suis sûr que c'est malade. On en a plus en copie physique chez Retro MTL. Je pense qu'on n'a pas, je me rappelle même plus combien on avait à base, on doit pas en avoir eu tant que ça, genre 8. Puis ça s'est tout vendu d'une traite. Fait qu'on a recommandé. Vous êtes une coupe à pas avoir réussi à en avoir. Et puis c'est pas un truc qui est facilement trouvable non plus. Faut que j'arrête de regarder ces crises de messages là. Ouais, on va en recommander une dizaine. On va en avoir une dizaine bientôt. Donc, surveillez ça, notre page Retro MTL. Ah, je suis pas réveillé. J'ai joué au hockey hier. On s'est fait torcher, man. C'est-tu qu'on s'est fait torcher? Au hockey de ligue de garage. Moi, j'aime pas ça, être sur la glace quand on se fait scorer. Ceux qui connaissent pas le hockey, quand tu es sur le jeu et que tu te fais compter un but, ça te fait un moins 1. Puis quand tu es sur le jeu et que ton équipe compte un but, ça fait un plus 1. Et puis hier, on doit avoir perdu genre 9 à 2, à 3. Et puis, je sais pas, je suis à combien parce que personne ne calcule les statistiques. Mais j'aime ça avoir une fiche propre et puis j'aime pas être dans les moins. Moi, je suis défenseur. Et puis, j'aime pas du tout quand on se fait scorer et je suis sur le jeu. Chris. Mais là, hier, je peux dire que c'est parce que les autres, ils back-checkaient pas. Puis on avait de la misère, nous autres, les défenseurs, à sortir la puck de la zone parce que les autres mettaient beaucoup de pression. Puis nos joueurs d'attaque, ils glandaient en arrière et attendaient qu'on leur passe la puck. Chris venait nous aider, on a les mains pleines. Fait qu'on a eu bien de la misère à contenir l'attaque agressive de l'autre équipe. Puis on s'est fait scorer plein de buts. Puis moi, ça me fait chier. Moi, je me donne, je patine comme un malade, tu sais, comme si c'était le camp des recrues. Et puis, il y en a qui font juste attendre la ligne bleue de recevoir la puck, tu sais, c'est que ça m'énerve. Ben, c'est quand même plus dynamique que ça, là, mais plusieurs ménagent leurs efforts. Ils ménagent leurs efforts. J'aime pas trop ça. Moi, man, je donne tout. Quand je vois du monde niaiser, là, ça me tue bien raide. C'est pas important. C'est une ligue de garage, mais quand même. J'ai vraiment besoin de gants de hockey aussi. Il va falloir que j'aille checker ça. J'ai acheté mon équipement de hockey en quelle année? Avant d'avoir des enfants, bien sûr. Probablement en 2006, 2007, je m'en rappelle plus. Dans ce temps-là, j'avais acheté du gear là, pour, aux couleurs des Blue Jackets. Là, c'était nice, les bas, puis tout ça. Puis j'ai joué au hockey une fois. Là, c'est vraiment. C'est quasiment 20 ans plus tard que j'utilise. Ben, 20 ans, non. Attends, en 2005-6, je sais plus. Ouais, 15-16 ans. En tout cas, j'ai pas utilisé cet équipement de hockey-là. Puis. On l'a traîné d'appart en appart, de maison en maison. Ma blonde dit « Ah, tu joues jamais au hockey, ta poche en prend de la place! » Ta poche en prend de la place! Vous pouvez couper cette section-là, puis faire de quoi avec ça. Et puis, c'est ça. Donc, mais là, j'utilise mon stock de hockey, finalement, depuis 2-3 ans. Donc, j'aurais rentré dans mon argent. Mais je pense que j'étais plus chubby dans ce temps-là, parce que j'ai l'équipement ben trop grand pour moi. T'sais, tout est grand, hein? c'est ridicule. Fait que, mais fuck that, man, c'est une ligue de garage. Il n'y a pas question que j'investisse dans du gear là, à la mode et récent et tight, là, même si peut-être ça m'aiderait un peu à bouger. Je bouge anyway. Mais j'ai vraiment besoin de gants, par exemple. Il va falloir que j'investisse un peu sur mon stock là, pour ma ligue de garage. J'aime pas ça. Les temps sont durs. Ça coûte cher décembre. My god, on a tellement de dépenses présentement. Là, ça me tue bien raide. Ouais, présentement, je suis très pauvre. Donc, faut que je check ça. Puis, on a bien des dépenses qui s'en viennent. On a loué un chalet avec des amis pour la semaine de relâche. On a des cadeaux de Noël. Moi et ma blonde, on se fait pas de cadeaux. Puis là, on se demandait, on est-tu poche parce qu'on se fait pas de cadeaux? Donc, tu sais, à un moment donné, ça va faire... Depuis 2004 qu'on est ensemble, donc ça fait, 19 ans, whatever. Qu'on est ensemble, puis tu sais, on se donne plus de cadeaux. Moi, j'ai pas vraiment. Tu sais, quand je veux quelque chose, je me l'achète. C'est tout. Donc, puis personne connaît ma vie assez, surtout pas genre mes parents ou ma sœur, pour me faire un cadeau que j'aimerais vraiment, là, tu sais, ou que je veux vraiment. Je dis, achète-moi pas un pyjama, j'ai pas besoin de pyjama. Si j'avais besoin d'un pyjama, je me serais acheté un pyjama. Là, j'ai besoin de gants de hockey. Personne ne va m'acheter des gants de hockey. Là. J'ai besoin des essayer et des affaires moi-même. Là, c'est comme si ma blonde, elle va me donner un certificat cadeau de chez Sport Rousseau que j'aille m'acheter des gants de hockey. C'est comme, ouh, des beaux cadeaux, tu sais, j'ai pas besoin de ça, là. Je veux pas ça, tu sais, voyons. Fait que moi, je préfère que moi, ma blonde, on aille souper ensemble une nuit à l'hôtel, tu sais, quelque chose. Genre d'affaires que je préfère nettement que l'on se fasse des cadeaux. Moi, là, j'enrayerais ça, les hosties cadeaux, là. Tu sais, peut-être les grands-parents, cadeaux aux petits-enfants à Noël, puis c'est tout. C'est tout, tu sais, comme... Puis les parents à leurs enfants, à leur fête et à Noël, là, tu sais, puis that's it, tu sais, comme les échanges de cadeaux, man, puis les cartes... Ah, il faut s'appeler le jour de la fête, t'sais. Ça m'énerve, ces protocoles niaiseux-là. Bon, ben, on va acheter un cadeau de 50$, tiens. Ah, merci, voilà un cadeau de 50$ pour toi. Ah, merci. Hey, achetons donc, nous donnons chacun ce qu'on a de besoin, puis faisons-nous pas de cadeau, puis faisons-nous un câlin à Noël, puis ça sera suffisant, t'sais. On a déjà assez de choses à faire, là, que d'acheter puis de magasiner des crises de cadeaux. Man, moi, je trouve que c'est de la marde. Brûler toutes les cartes de fête, brûler toutes les cartes, tu sais, comme. Ouais, brûler ça. Brûler les cartes. Puis arrêtez de faire des cadeaux. Puis, that's it, achetez-vous ce que vous avez besoin quand vous en avez besoin, tu sais. Mangez, soyez heureux, écoutez la TV. Faites du sport, faites l'amour. On s'en sac des cadeaux, là, tu sais. Mais bon, ben, faire des petits cadeaux, là, c'est le fun. Mais moi, je suis pas très cadeau, tu sais, dans la vie, vraiment pas. Là. Moi, je suis plate. Moi, je suis plate. Moi, je suis pas cadeau. Je suis pas, genre, organisateur de comité social, de patente, tu sais. Moi, ça, c'est... Oh! J'aime pas ça, là, tu sais. Organiser les parties d'ici, planifier les affaires, là, tu sais. J'ai de la misère avec ça. Il y a des gens que ça passionne ou qui ont cette drive-là. Moi, je l'ai pas du tout par rapport à ça. Fait que si c'était un monde que tout le monde était comme moi, ça serait bien plat, bien gris. Mais il y aurait pas toutes ces fioritures. Ben, ça en prend. Ça en prend, c'est bien certain. Mais moi, je suis pas ça. J'aime pas ça. Fait que le temps des fêtes, moi, je sors genre au 26, 27. Là, tu sais, comme, c'est fini. Ah, c'est fini. J'aime Noël, tu sais, j'aime le moment. J'aime les décorations dehors. J'aime la vibe Noël, tu sais. Ça me plaît, tu sais. Je trouve ça chaleureux. Et puis, mais j'aime pas toute la gestion puis le travail qu'il y a à faire autour de Noël, tu sais. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Ah. Colin, hein? C'était un drôle de spectacle. Bon. Fini le niaisage. Update poubelle, qui est rendu le sujet numéro 1 de tout le monde. Tout le monde m'écrit « Ah! Les crottes de chien! Les crottes de chien! De cul de chien! » Je suis content, j'ai comme fait une genre de petite thread, là. C'est mon trademark. Papa cassette, crotte de cul de chien. Voilà, crottedecutdechien.com, faudrait que j'achète ça. Donc, dans l'univers des crottes de cul de chien de cul de marde, les gens, ils ont continué à déposer sur le seuil de notre porte de secours les petits sachets de caca de leur chien pitou adoré. Là où il y avait la poubelle, qui, vous le savez, est maintenant découpée et en morceaux et rendue au dépotoir depuis une semaine ou deux. Donc, c'est de l'habitude. Faut que les gens, ils continuent. « Hein, il n'y a plus de poubelle! » Là, ils lâchent le tas, ils restent là. « Peut-être va avoir une poubelle. » Fait que c'est ça, il y en avait une couple cette semaine, ben au cours de, ben dimanche, j'étais allé au magasin pour faire des trucs, sortir le recyclage, et il y avait ces petits sacs de crottes. Et puis, il y a que je vois du monde, moi, passer quand même avec leur chien, tu sais. Et puis, je soupçonne certaines personnes de peut-être prendre plaisir à faire ça. Là, je me demande si j'en parle trop aussi de ça, tu sais. Puis là, il y a-tu quelqu'un, genre, qui écoute mon podcast, qui vit dans... pas loin puis qui s'amuse à faire ça juste pour le lol, là, tu sais, pour rien que pour me trigger, ça se peut. Peut-être que je devrais arrêter d'en parler, comme ça il y aurait plus ça, tu sais. Mais en tout cas, là présentement on est mercredi et puis je passais ce matin, il y en avait pas, donc ça fait 3 jours qu'il n'en a pas. C'est peut-être plus la fin de semaine, je vais monitorer ça un peu là. Mais ouais. Mais en tout cas, j'ai ramassé les petits sacs du bout des doigts, je les ai mis dans notre poubelle, et puis voilà. Par contre, deux problèmes. On a une grosse poubelle au sous-sol, le même gabarit que celle qu'on a découpée en morceaux, exactement la même affaire, dans laquelle on met nos cochonneries. Hein, t'sais, on a des affaires achetées des fois au sous-sol, puis quand elle est pleine, ben on la sort dehors, et puis là, on l'a sortie dehors. Et puis, tu sais, elle était pleine jusqu'à rebord, puis il y avait une boîte de junk là sur le dessus, puis tout ça. Donc, jeter ça, messieurs. Mais ils ont comme juste jeté le dessus de la poubelle. Fait que la poubelle est encore pleine à moitié, tu sais. Là, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, d'après moi, les boueurs, ils ont comme pris la poubelle. Ils ont donné une go de même pour que son contenu se vide dans le truck. Mais peut-être qu'il y avait, c'était trop condensé à partir du milieu, puis que ça bougeait pas, tu sais. Fait que là, quand il a vu ça, au lieu de juste comme donner une go de même pour que tout suive, ben il a remis la poubelle là. Fait que là, ben j'ai redescendu mes vidanges dans le sous-sol. Crise de calice, qu'est-ce que tu penses? Là, je comprends que c'est pas sa job de se mettre les mains dans la merde. Ben, ça l'est-tu? Peut-être un peu quand même. Là. Sa job, c'est de ramasser les vidanges. Donc, après son passage, il est plus supposé avoir de vidanges. Mais là, il reste une demi-poubelle. Puis là, on s'entend, là. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas genre du vomi, pis des lunchs moisis que personne n'a mangé, puis du lait passé date, là, puis des crottes, là. Ça, c'est tout jeté déjà, tu sais. Ben, il y a rien de tout ça, à part les crottes dans nos poubelles. Mais, tu sais, il y a plus ça. Ce qui restait, c'était du wrapping de boîte et puis du plastique, puis du, tu sais, genre de, on fait les commandes Uline pour acheter des boîtes pour le shipping, tout ça, c'est tout le wrapping qui est autour de ça, le plastique, ces affaires-là qu'on a comme crissé là-dedans, c'était un peu serré, I guess, puis là, ben c'est ça, comme il aurait pu juste comme donner, tirer une petite affaire, puis tout aurait suivi, tu sais, puis non, il a pas fait ça. Alors, ça sera à nous, I guess, la semaine prochaine, de comme slacker le contenu de notre poubelle, si, je sais pas, puis pour qu'il ramasse. Donc, poubelle du QG, fuck, faut que j'aille voir ça, j'ai oublié de les ramener. Ils sont encore sur le bord de la route. Bon, ben, en espérant qu'eux autres, ils les aient vidés, c'est pas sûr. Donc, c'est ça, j'avais des problèmes de poubelle qui se font remplir de marde, maintenant j'ai des problèmes de poubelle qui se font pas toujours cueillir. Puis en face du magasin, man, c'est un dépotoir, là, tu sais. L'épicerie à côté, elle a quand même pas mal de recyclage aussi. Les locataires en haut, ils calissent le vidange sur le trottoir, tu sais. Ça déménage aux deux semaines là-dedans, on dirait. Là, il y a comme un frame de métal, de matelas à côté sur l'immeuble. Qui va ramasser ça, là? C'est quoi ça, tu sais? Puis il y a un bac de compost qui est réapparu, out of nowhere, sur le bord de notre immeuble. Je sais pas à qui c'est ça, mais je peux te garantir que ça va se faire remplir de marde. Fait que, puis je sais pas qui va gérer ça. Ça va peut-être rester là jusqu'à cet été, pendant un an. Moi, je touche pas à ça. Au pire, je vais le rouler loin, ailleurs, en arrière de quelqu'un d'autre. Fuck that. Je t'avais de vider les vidanges direct dans la rue, esti. C'est ça que je vais faire. Donc voilà, c'était l'update poubelle. Pas grand chose quand même. Je fais tout un plat de pas grand chose, donc pour votre propre divertissement. Mais c'est pas parfait. Puis tu sais, c'est des jobs durs que je ferais pas. Mais tu sais, ta job, c'est de faire ta job. Fait que Chris, t'as fait. C'est pas compliqué de ramasser. Il laisse des sacs, tu sais. Chris ramasse les affaires. Là, t'es vois quoi? Tu sais, le truck, il arrête même pas, là. Il court comme des malades, eux autres. Ils pognent la poubelle. Ils calent ça, tu sais. Les bacs à compost, ils garochent au bout de leurs bras. Puis vite. C'est comme, buddy, esti, t'as nulle part où aller, là. Fais ton chiffre de travail. Même si tu gagnes une demi-heure à faire ta job tout croche. Tu sais, prends donc une demi-heure pour bien travailler, esti. Puis pas qu'il y ait des vidanges répandues partout dans la rue, là. C'est pas compliqué, ça. Fais bien ton travail. Il y a une expression qui dit... C'est pas plus long de bien faire ta job, tu sais. C'est une expression, ça. Quelqu'un a dit ça. C'est pas moins long de bien faire. En tout cas, hein, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme les gens qui klaxonnent leur char. Tasse-toi, Puis là, ils sont en tabarnak parce que quelqu'un attendait de tourner. Il fallait pas qu'il tourne. Whatever. Là, la personne se tasse. Là, ils clenchent. Là, ils s'en vont. Tabarnak. Puis là, comme 50 mètres plus loin, ils vont pogner la prochaine lumière rouge. Le monde, c'ti. T'es-tu si pressé que ça, t'sais? Tu peux pas être klaxonné après tout le monde à travers la ville. Tu vas être arrêté à une lumière, c'ti, dans même pas un kilomètre. Tu peux pas faire un kilomètre ici sans être arrêté, t'sais. Fait que arrête de paniquer quand quelqu'un enclenche pas son char tout de suite quand la lumière devient verte ou que, t'sais, il y a comme un. Whoop! Le pauvre conducteur, il se rend compte qu'il est pas nécessairement à la bonne place. Il est tassé. Laisse une chance, Chris. Arrête de semer la panique générale. Parce que toi, tu veux sauver 10 minutes de ta misérable vie, puis que finalement, ça donne rien parce que là, tu stresses tout le monde. C'est stressant, ça rajoute du poids, ça. Il y a beaucoup de monde dans la ville, et puis, des fois, j'aime la campagne pour ça aussi. Il n'y a pas trop de chars, il n'y a pas trop de monde qui sont ses dents tout le temps. Là, soyons pas sur les dents, ça va pas plus vite, ça donne rien de klaxonner après le monde, tu sais. Moi, s'il y a quelqu'un qui me coupe ou whatever, qui est comme je klaxonne pas, tu sais, je suis comme non, c'est une cap. Puis je continue, c'est tout, là. Tu sais, je sais pas c'est qui cette personne-là, je la reverrai pas, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça donne? C'est juste conduire, tu sais. Fait que, voilà, calmez-vous, là. Vraiment, travaillez bien, faites votre travail, calmez-vous, achetez des cadeaux si ça vous fait du bien. C'est vraiment n'importe quoi tout ça. Ah! Mon podcast, je veux dire. Ah! Hey, si vous connaissez des gens qui veulent travailler dans le merveilleux monde des bars, on a besoin de staff à l'arcade, toujours. Là, il faut qu'on ouvre à 7h à tous les soirs. On continue à être fermé le lundi. Mais il faut qu'on ouvre à 7 heures parce qu'on n'a pas assez de monde pour faire deux shifts. T'sais. On a vraiment besoin de barman, barmaid, de gens d'expérience. Puis on a besoin d'une gérant, hante. Peu importe. Là, je parle au masculin, je suis désolé. Je vais juste parler, OK? Mais tous ces postes-là peuvent et je préférerais qu'ils soient comblés par des femmes. Ils sont multitask. Ils sont bonnes. Ils sont des bonnes gestionnaires, je vous le dis. Alors, ouais, si vous connaissez du monde, vous travaillez dans un bar. Ben, c'est vrai ce qu'ils disent, hein? C'est la pénurie de la main-d'œuvre, puis la pénurie. C'est vrai, toutes ces fucking affaires-là. C'est vraiment pas évident de trouver du monde. Et puis, les gens sont pas tant disponibles. Je refuse des événements corpaux. J'en refuse plein. Parce que manque de staff, manque de disponibilité, c'est vraiment pas évident. Donc, ouais, non, c'est crissement pas évident. Là. Je me demande si ça va revenir à la normale un jour. On dirait qu'il y a eu un shift dans le travail dans les bars et les restaurants. Je sais pas. Tout le monde a de la misère à se trouver du monde, de la misère à garder leur monde. On a augmenté tous les salaires, tu sais, comme la job est pas plus dure qu'elle l'était avant, tu sais, on est bien, on serre pas trop la vis, là, tu sais, comme, s'il vous plaît, pouvez-vous travailler, s'il vous plaît, quelqu'un, travailler, et puis, ouais, non, c'est plus ce que c'était, et puis, j'espère que ça va revenir un peu, parce que c'est dur à gérer, là, vraiment, et puis, tu sais, faut que ces business-là reviennent sur la profitabilité. Pas qu'ils sont pas profitables, mais le sont moins et demandent beaucoup de gestion. Ça roule plus smooth comme avant. Fait que non, c'est pas évident. Par contre, on a acquis une nouvelle machine. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Elle n'est pas encore sur le dance floor, mais fait que j'en parle pas encore. Mais là, on va aller en chercher une autre ce samedi, si tout se passe bien. Et c'est une machine de course, donc une upright machine de course. Parce qu'on n'a pas la place pour avoir des machines de course ou de gun assis ou avec un petit présentoir. Là, comme nous autres, on a vraiment besoin des upright parce que ça ne rentre pas dans la place. T'sais, avoir une House of the Dead 2, mettons, on aimerait vraiment ça. La upright, parce que l'autre modèle, le gros modèle, on l'a vu une couple de fois avant. Mais c'est ça, on n'a pas de place, donc on n'a pas le choix. Mais là, c'est ça, une machine de course à très bon prix. J'ai peur qu'elle ait des problèmes cachés, je sais pas. Mais Ellie devrait aller chercher ça samedi. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et puis, faut faire des choix. Donc, qu'est-ce qu'on allait sortir, non? On va sortir, ça c'est sûr, la machine qu'on a qui est rotative dans laquelle on change le contrôle panel des fois. On a fait une Tron avec. On avait fait Sonic, Sega Sonic avec les trois trackballs. Là présentement on a une machine à Twin Stick Shooter dans laquelle il y a Total Carnage, Smash TV, puis Robotron 2084. Donc on va sortir cette machine-là et puis on va. Ça va faire de la place pour l'une des deux machines qui rentrent. Et puis on va tasser contre du fond du bord, on va la mettre à côté de la Simpsons en rentrant. Ainsi, ça va. Il y a un peu de place là encore. on les squeeze les. Fait que là, ça va faire Konami, tu sais, puis la Turtles est pas loin. Puis on va mettre l'une des deux nouvelles machines plus dans le fond pour fitter avec notre Miss Pac-Man, Donkey Kong, Galaga et Centipede, Millipede, dada. Bonne shout. Donc vous comprendrez que l'une de ces deux machines-là est une machine plus vintage. Donc je vous donne un petit indice. Elle va fitter là dans la famille, dans la maison des vintage. Donc c'est très cool. Puis Tetris est revenu à la vie. On a finalement. Tu sais, quand on a des machines en panne, c'est pas que genre on n'est pas capable de les réparer ou whatever. Ben on n'est pas capable. Il y a des choses qu'on peut pas faire, tu sais. Puis il y a des affaires qu'on peut juste comme faire réparer par des spécialistes. Fait que souvent il y a des boards ou des parties qu'on envoie aux États-Unis se faire réparer par des gens très calés là-dedans et reconnus pour ça. Puis une fois que la pièce est partie, on est sur une liste d'attente, tu sais. Et puis ça peut prendre bien des mois, là, parce que ces gens-là, ils ont d'autres jobs dans la vie. Ils font ça pour le plaisir, ben pour l'argent aussi, là. Mais c'est pas leur job numéro un d'être des réparateurs d'arcade à temps plein, tu sais. Fait qu'on était sur une liste pour notre Tetris et puis notre Marvel vs. Capcom 2 aussi, l'image a commencé à être dégueulasse. Donc, il y a des pièces de ces arcades-là qui étaient parties depuis longtemps. Et là, elles sont revenues. Donc, ça devrait être setup. Ça, c'est merveilleux. La centipède, millipède, missile command, notre machine 3 en 1, elle, on attend encore. Et puis, notre cocktail football, l'arcade Atari des années fucking 70 qui a sur le plancher, elle aussi, on a envoyé des affaires se faire réparer. Donc, ces machines-là sont en stand-by. Mais on les sort pas parce que ils vont revenir fonctionnels un moment donné. Puis là, c'est comme du gossage, là, tu sais, de rentrer sortir des machines. Là, c'est vraiment pénible. Puis Galaga avait de la misère, mais là, je pense qu'elle est correcte. Nos petites machines, ils ont de la misère. Mais Joe Brochu veille au grain, puis je pense qu'il en a retapé une coupe. Vendredi, on sort au bar pour son anniversaire, donc on va aller voir ça. Puis j'ai hâte de voir l'état. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au bar. Mais c'est ça, comme on dit souvent, c'est comme une maison de petits vieux. Hein, t'sais, ces arcades-là, ils ont tous leurs petits bobos, ils sont toutes vieilles, t'sais, puis ils ont toutes... brise en affaires, donc pas évident, mais c'est très cool d'avoir deux nouvelles machines. Par contre, moi j'aime ça quand on rentre des nouvelles machines, tu sais. Ouais, puis j'ai vu aussi le projet Arcane Moi Ça, qui est un André Gagnon qui est derrière Arcane Moi Ça, qui est un spécialiste d'arcade et pinball ici au Québec, qui fait ça à temps plein. Il a annoncé qu'il allait s'ouvrir un bar arcade, donc il a comme juste droppé ça à la fin d'une de ses vidéos. Je suis pas allé voir les derniers développements depuis cette annonce-là, par contre. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc, un autre bar arcade qui va apparaître au Québec, à quelque part, probablement dans le coin de Québec, j'imagine. Je pense qu'il vient de ce coin-là. Donc, à suivre le projet Arcane Moi Ça, bien sûr, André qui est très cool et puis qui connaît son shit. Si quelqu'un est capable de le faire, c'est bien lui. Ses arcades sont tout impeccables tout le temps. Ses pinballs, sa grosse coche, donc ça c'est bien. Et puis, ben voilà, je sais plus trop de quoi parler. C'est peut-être un show un peu plus court aujourd'hui. Excusez. Fait que, quoi d'autre? Ah ben, on a deux employés qui nous quittent chez Retro MTL, donc c'est pour ça qu'on passe des entrevues d'ailleurs, qui sont là depuis longtemps. Maud qui était là depuis comme la deuxième semaine. Moi, quand on a ouvert la shop, je me suis dit, je vais être là tout seul, je vais travailler, je vais faire mon design graphique. Il rentre un client, je vais le servir, tu sais, je vais gosser un peu, puis Chris, non, là, c'était ça a été un raz-de-marée. Fait que là, j'étais tout seul dans la shop, man, je capotais, tu sais. Le temps que Joe, il quitte son emploi, moi, je quitte mon emploi, Maud est passé comme ça, sur le fly, tu sais, une semaine plus tard, il dit, cherchez-vous du monde? Je suis comme, oui, vraiment, oui, on a besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Fait qu'elle est rentrée, puis elle était là depuis le début, donc depuis le magasin va avoir 3 ans le 25 mai de prochain, donc disons 2 ans et demi. Là. Alors c'est ça, elle a terminé ses études et elle va aller travailler dans son domaine, donc ça fait bien quelque chose de la voir partir. Elle a tout vu, tout fait, elle connaît tout. On a vécu bien des étapes avec elle, donc c'est quelque chose de voir partir des employés comme ça de longue date. Rachel aussi, qui était là depuis quand même un bon bout de temps, qui était une force tranquille, qui est comme une leader discrète, t'sais, qui connaissait la shop, t'sais, qui était vraiment top. Donc elle aussi nous quitte pour aller travailler dans quelque chose qui ressemble plus à son domaine aussi. Donc, c'est un au revoir, mais il faut trouver d'autres personnes. Alors, on a passé une couple d'entrevues cette semaine et puis on va se faire des adieux tristes au party de Noël. Mais c'est ça la vie. Tu sais, c'est les commerces que j'ai en même temps, c'est pas nécessairement des commerces de carrière, hein, on s'entend. Le plus longtemps qu'on peut garder des employés puis qui sont heureux puis qui se donnent, tu sais, ça roule, mais c'est ça, c'est beaucoup des étudiants d'affaires comme ça. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas comme si j'avais une business. C'est pas comme si j'avais SNC-Lavalin puis que j'engageais des ingénieurs puis des tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc un petit défi là, cette semaine à passer plusieurs entrevues, mais on a deux candidats là, qu'on aime bien. Je pense qu'on va être capable de réussir ça. Là, c'est le temps des fêtes, fait qu'il faut qu'il arrive les horaires, il faut remanier les horaires. Donc, c'est ça, un petit peu de tumultueux à ce niveau-là. Mais on va faire avec et puis ça va bien se passer. Donc, ouais, on est là-dedans. On a une entrevue tantôt dans 11 heures. Ah, j'ai faim, là. J'ai faim. Je suis comme buzzé de café, j'ai faim. Un petit étirement. Ouais, puis j'étais pas au dernier épisode de Rétro Nouveau. C'est vrai, j'ai vraiment eu un problème d'évier. Ceux qui écoutent Rétro Nouveau, comme le soir même, tu sais, comme l'évier avait déjà de la misère le matin. Puis là, le soir, j'arrive, puis je cuisine, puis ma blonde arrivait plus tard, là, beaucoup de choses à faire, des patates pilées, beaucoup de chaudron, beaucoup d'eau, beaucoup de rinçage, la vaisselle, puis là, comme l'évier, c'était terminé, là, l'eau, elle bougeait plus pantoute dedans, puis il y avait beaucoup de vaisselle sale après souper. Fait que là, je savais pas quoi faire. Non, j'avais vu Joe prendre un siphon, puis pomper l'eau dans les... Dans l'évier de ma locataire quand elle était venue m'aider. Puis ça marche. Les siphons à toilette, c'est bon aussi pour les éviers en passant. Donc j'avais essayé ça, il n'y avait rien à faire. Mais c'est un évier double, hein. Fait que je pompais d'un bord, puis là, splash, splash, ça splashait de l'autre bord. Puis là, j'essayais l'autre bord, ça faisait la même affaire. Fait que ça faisait juste se balancer la même eau. Fait que là, j'essayais d'enlever l'eau avec un petit scoop, là, tu sais, puis aller jeter ça dans la toilette de la salle de bain. Là, je savais pas quoi faire. J'écris à Joe, tu sais, peux-tu me conseiller? J'ai un produit qui est comme plus fort que du Drano. Un produit comme il vient dans un emballage, là, c'est comme attention, attention à ça, attention. Puis c'est ça, faut que tu fasses attention. Tu peux pas te vider ça sur le bras, là, tu sais. Donc c'est un produit très fort. Fait que là, j'ai mis ça là-dedans, mais le produit restait, tu sais, comme il y avait plus d'eau dans l'évier, mais on voyait l'eau dans le drain, tu sais, elle était pas loin du rebord du drain, là, tu sais, je voyais l'eau. Mais j'avais mis le produit, puis rien qui bougeait. Je suis comme fuck, man. J'aurais pensé que le produit allait descendre, puis aller purger le mouton qui était pogné là, puis que l'eau allait s'en aller, tu sais, mais ça bougeait pas. Là, je suis comme calice, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas évident de pas avoir d'évier de cuisine avec une famille de 4, tu sais, puis d'avoir le roulement, là, tu sais. On en salit de la vaisselle, là, puis on a besoin de l'eau tout le temps, là, tu sais. Fait qu'on a descendu en bas notre vaisselle sale, on faisait ça dans la salle mécanique, dans un genre de grosse cuve, là, qu'on utilise, tu sais, pour rincer les pinceaux, puis tout ça, ou whatever à faire, qui sont plus de travaux. On faisait notre vaisselle là-dedans. Puis là, Joe m'a envoyé un beau dessin de comment gérer ça. Ce qu'il faut faire, c'est que, moi, faut rajouter de l'eau. Faut rajouter, moi j'avais peur parce que je crie, faut pas que je parte l'eau, l'eau elle s'en ira pas. T'sais. Non, faut que tu rajoutes de l'eau pour bien sûr que ça, qu'il y en ait à mi-évier des deux côtés. Comme ça fait comme un poids, t'sais. Parce que là moi ce que je faisais, ça fait pousser l'air elle va aller pousser le mouton. Sinon, comme Joe il dit, l'air elle va tout le temps essayer de sortir à la première place qu'elle peut aller. Puis la première place qu'elle pouvait aller, c'était le drain de l'évier d'à côté. Donc on remplit les deux éviers d'eau. Bon, pas à rebord, là, mais à moitié. Comme ça, l'air est comme... Elle sait pas où aller. Fait que elle pousse. Puis là, elle s'en va dans le drain pousser le mouton. Mais j'ai même pas eu besoin de faire ça parce que j'ai parti l'eau chaude pour remplir mes drains, remplir mes éviers. Puis l'eau, elle s'est en allée. C'est très bizarre. Comme si le mélange chimique que j'ai mis dedans a fait son chemin malgré tout. Puis l'eau était encore là. Comme s'il est passé à travers la tête, tu sais, je connais, je suis pas chimiste. J'aime ça dire ça, je suis pas chimiste. je sais pas si le produit est passé à travers l'eau puis est allé attaquer le mouton finalement, mais en rajoutant de l'eau, brouh, tout est parti. Fait que je comprends rien. Mais là, c'est ça. Bref, il y avait de la vaisselle sale partout, il y avait du splash partout, tout était sale, tu sais, puis il a fallu passer à mop et tout ça. Fait que le temps qu'on ait fini de gosser là-dedans, tout ça, le Rétro Nouveau était déjà entamé depuis. Une bonne heure, alors, t'sais, là, je suis comme, hein, je prends mon char, mon manteau, j'arrive, hey, salut les gars, t'sais, comme, on arrive direct dans le show, ça faisait bizarre, fait que j'ai pas participé. Par contre, là, je vois que Fred, d'ailleurs, il nous écrit dans notre discussion Rétro Nouveau, ok, pour nous dire qu'il y a un party de Noël la semaine prochaine, puis que ça ne donnera pas pour faire le 200e mercredi prochain. On va voir, en tout cas. Donc, notre 200e, guys, on essaye un peu de trouver des affaires, mais On a déjà une piste, des pistes, mais ouais, c'est bien de la pression, ce 200e de rétro nouveau-là. T'sais, on va faire comme avoir quelque chose, mais en même temps, man, ça demande du temps là, de peut-être trouver des extraits puis tout ça. Là, t'sais, fait qu'on va avoir de la misère avec ça, je pense. Mais c'est en branle. Fait que on va essayer de faire ça d'ici Noël, je crois. En tous les cas, en attendant, vous avez chez Papa Cassette, c'est moi, je suis cerné, check-moi ça, je suis cerné, cerné nerveux. Ah, puis là aussi, est-ce que je parle de n'importe quoi? Puis là, donc, je vais me faire une moustache. J'attendais, je me suis rasé la face au complet à l'Halloween. Puis là, ça, tu vois, ça c'est un mois. Ça c'est un mois de stock. Ça c'est un mois de poêle, ça. Donc, je vais re-raser au clipper à zéro la barbe, mais je vais garder la moustache. Je vais avoir une moustache. C'est à la mode, les moustaches. Et j'essayais un peu en niaisant, en me rasant, tu sais, pour l'Halloween. Je suis comme, gris, c'est pas si pire. Donc, je vais essayer ça. Fond de barbe, mais moustache. Tu sais, je pense que ça me donnerait un petit edge, là, pour le temps des fêtes, là, tu sais. Puis là, j'ai les cheveux aplatis, puis je porte une tuque. Voilà, les cheveux dans les airs. Ouais. Fait que je vais essayer ça. Donc, faites pas le saut, là, bientôt, je pourrais avoir une moustache. Ça se pourrait bien que si ça le fait, je vais ressembler de plus en plus à mon père, ce qui est très étrange. Mon fils va me ressembler aussi, éventuellement. Il me ressemble déjà pas mal, mon plus vieux. Il va, il Chris, il me rattrape, il dépasse ma blonde, il va me dépasser bientôt. Je suis quand même content, là, qu'il remonte la coche, là, de notre famille, là. On n'est pas petit, mais on n'est pas vraiment grand non plus. Alors, c'est comme ça que... Ma famille, ma maison, les plus grands, tu sais. Là, je suis comme flex, tu entraîne-toi, gros, muscle, tu sais. j'aimerais ça m'entraîner avec mon fils. Quand il aura l'âge, là, puis il aime ça lui aussi, là, s'entraîner ou faire des exercices, puis tu sais. Fait que je pense que je pourrais avoir un partner de gym en mon fils. Donc ça, ça serait nice, en espérant que ce soit pas comme... « C'est pas avec mon père, c'est pas, je veux pas être vu avec mon père. » On verra bien. Donc, voilà. Bon, hey, c'est bien beau tout ça, là, mais il faut que j'aille travailler. Beaucoup de messages, puis il faut que j'aille chercher mes poubelles. Donc, prochain show, on verra si mes poubelles ont été ramassées. Donc, ben c'est tout. Merci à tous d'avoir assisté à ce spectacle complètement décousu dans lequel j'avais pas vraiment de choses à dire parce que je fais juste travailler puis être occupé. Fait que c'est ça mon spectacle maintenant. Alors, allez en paix, chers amis, et puis à bientôt!